إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أولا فإن شاء الله سيكون الكلام بالفرنسية بعد العصر وبعد المغرب بحول الله عز وجل بالعربية Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc j'introduis en remerciant Inch'Allah la mosquée de Valréas qui a accepté Inch'Allah qu'on vienne faire un dars, un cours proposé aux frères comme aux sœurs Inch'Allah. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala que cette réunion bi'iznillah azza wa jal soit une preuve d'amour entre nous et que ce soit pour nous yawm al-qiyama, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala appellera, dans ce jour où le soleil sera rapproché de la tête des créatures à la hauteur d'un mille, comme il a été dit dans le hadith. Allah subhanahu wa ta'ala appellera et dira « Aïna al-mutahabu nabi jalali » où se trouvent les gens qui se sont aimés en ma gloire. « Al-yawma udhilluhum fi dhilli, al-yawma la dhilla illa dhilli » Le jour où je les mets sous mon ombre, le jour où il n'y a d'ombre que la mienne. Et dans un autre hadith authentique, le prophète alayhi salatu wasalam dit « Wajabat mahabbati » C'est un hadith qudusi, Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wajabat mahabbati » Mon amour est de droit « Lil mutajalisina fi » Pour ceux qui s'assoient en moi « Wal mutazawirina fi » Et ceux qui se visitent pour moi « Wal mutabadilina fi » Et ceux qui s'échangent en moi. Les assises sont nombreuses. À cette heure-ci, d'autres assises ont lieu ici même dans cette ville, dans ce monde, dans cette planète qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créée. Mais les assises qui seront pour nous, lana la alayna yawm al-qiyama, ce sont les assises de ta'a, les assises d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et notamment celle où on apprend notre religion. Notamment celle où on apprend notre religion. Car même dans les mosquées, il y a des assises qui seront contre les personnes yawm al-qiyama. Il y a des assises de médisance dans des mosquées, il y a des assises de calomnie. Mais les assises dans lesquelles on évoque la science, on apprend le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam, ce sont des assises bihawlillahi azza wa jal qui seront pour nous yawm al-qiyam. Le sujet de notre muhadara du cours, c'est al-imanu bil-qadar, la foi en la prédestinée, en la prédestination. Khayrihi wa sharrihi, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Comme vous savez, mes chers frères, donc ce point-là est un pilier de la foi. Tous vous savez cela. Jibril alayhi salam est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme c'est rapporté dans le hadith de Omar ibn al-Khattab, qui est dans Sahih Muslim, que vous trouvez dans Riyad Salihin, que vous trouvez aussi dans les 40 hadiths de l'imam Nawawi. Que dit Omar radiyallahu anhu, « Baynama nahnu juloosun, inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, alors que nous étions assis auprès du prophète alayhi salatu wa sallam, idh tala'a alayna rajulun » Est venu alors un homme, donc est entré un homme, shadid ou bayad thiyab, avec des vêtements très blancs, shadid ou sawad shahar, avec des cheveux fortement noirs. La ya'arifuhu minna ahad. Personne parmi nous ne le connaissait. Wa la yura alayhi atharu safar. Et on ne voyait pas non plus sur cette personne les traces du voyage. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Il s'assit auprès du prophète صلى الله عليه وسلم. وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. Il colla ses genoux aux genoux du prophète صلى الله عليه وسلم. ووضع كفيه على فخذيه. Et il posa ses mains sur ses cuisses. Des savants disent que c'est les cuisses du prophète alayhi salatu wa salam, et d'autres disent qu'il a posé ses propres mains sur ses cuisses à lui. Wallahu a'lam. Faqal, et il dit, ya Muhammad, ô Muhammad, akhbirni anil islam, informe-moi au sujet de l'islam. Faqal, al-islam an tashhada an la ilaha illallah, l'islam c'est que tu attestes qu'il n'y a de divinité qu'Allah, wa anna Muhammad al-Rasulullah, et que Muhammad est le messager d'Allah, wa tuqima as-salah, et que tu pratiques la prière, donc les cinq prières obligatoires, wa tu'ti az-zakah, que tu donnes la zakat, l'aumône légale, wa tasuma ramadan, et que tu jeûnes le mois de ramadan, wa tahujja al-bayta in istata'ta ilayhi sabila, et que tu fasses le pèlerinage, donc à la maison sacrée, si tu en as les moyens. Qala sadaqt. Donc cette personne qui questionnait a dit au prophète alayhi salatu wa salam, tu as dit vrai, ce que tu dis est vrai. Omar a dit fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Donc Omar dit on s'étonna de lui, il lui pose des questions et ensuite il lui confirme ses réponses. Puis il dit akhbirni 'anil iman, informe-moi au sujet de la foi. Informe-moi au sujet de la foi. Qala an tu'mina billahi, lui dit que c'est le fait de croire en Allah, wa malaikatihi, et ses anges, wa kutubihi, ses livres, wa rusulihi, ses messagers, wa liyawmil akhiri, et le jour dernier, wa an tu'mina, il a répété an tu'mina avant de dire al-qadar, wa an tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, et que tu crois à la prédestinée, au qadar bon ou mauvais. Et le hadith continue ensuite, cet individu l'a questionné au sujet de al-ihsan, puis au sujet des signes de l'heure. Et à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya Omar, ô Omar, atadri mani sa'il ?» Sais-tu qui est le questionneur, celui qui a posé les questions ? Omar a répondu « Allah wa rasuluhu a'lam » Allah et son messager sont plus savants, sous-entendant « Je ne sais pas ».« Qala fa innahu Jibril » C'est Jibril. « Atakum yu'allimukum dinakum » C'est Jibril qui est venu vous enseigner votre religion. Donc nous, ce qui nous intéresse le plus dans ce hadith-là, c'est la deuxième question. « Akhbirni anil iman » Informe-moi au sujet de la foi. Et il a donné six piliers. Croire en Allah, ses anges, ses livres, ses messagers, le jour dernier. Et nous, aujourd'hui, on va développer, Inch'Allah, le dernier pilier. Le sixième, c'est la croyance à la prédestinée, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Et la science qui s'occupe donc de ces six piliers-là, c'est une science qui s'appelle al-aqidah, la croyance. La science s'occupant des cinq piliers qui ont été cités dans la première question. La shahada, la prière, donner l'aumône légale, le jeûne et le pèlerinage. Les cinq piliers de l'islam que tout le monde connaît. La science qui s'occupe de ce domaine-là, c'est ilmul fiqhi. C'est le fiqh. Le fiqh t'explique comment jeûner, comment prier, comment donner ta zakat, quand est-ce que tu dois donner une zakat, etc. À quelle personne tu peux donner ta zakat, à quelle personne tu n'as pas le droit de donner la zakat. Donc quand on veut apprendre ces cinq piliers-là, et qu'on va à une librairie, qu'est-ce qu'on achète comme livre? Un livre de aqidah. Est-ce qu'on achète un livre de aqidah pour étudier les cinq piliers cités en réponse à la première question? Non. On demande au libraire, je voudrais un livre de fiqh. En revanche, quand on veut étudier la foi en Allah, en ses anges, en ses livres, etc. Les six piliers cités en réponse à la deuxième question. Qu'est-ce que l'on recherche comme audio, comme vidéo, comme livre? On recherche quelque chose en lien avec la science qui s'appelle al-aqidah, la croyance. La croyance. Et cette science-là, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est ce qu'il y a de plus important. Pourquoi? Parce que c'est la base. Hein, notre salut, notre sauvetage dans l'au-delà, hein, sera fonction d'une aqidah bonne ou mauvaise. On peut arriver avec des masses de bonnes actions, avec beaucoup de prières, avec beaucoup de jeûnes, avec beaucoup de avec beaucoup d'aumônes. On peut arriver avec birr al-walidain, le bon comportement avec les parents. Mais s'il y a une faille au niveau de la aqidah, de la croyance, il se peut que toutes ces bonnes actions-là soient éliminées. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Et on a pris ce qu'ils avaient fait comme bonnes actions, Allah dit, et on en a fait de la poussière sur laquelle, qui est prise par le vent. Pourquoi? Parce que la croyance était pervertie, corrompue, n'était pas bonne. C'est pour cela que le prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa méthodologie, sa pédagogie, qui est même la méthodologie divine avant d'être celle du prophète, alayhi salatu wassalam, sur, à l'échelle de 23 ans de message, le prophète, sallallahu alayhi wassalam, a travaillé la croyance à la Mecque, afin que les cœurs des compagnons, radiyallahu anhum, après avoir réalisé le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir réalisé l'amour d'Allah dans leur cœur, après avoir réalisé la crainte d'Allah dans leur cœur, ils étaient désormais prêts à accueillir les ordres et les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala qui vont descendre à Médine. C'est pour ça qu'on a peu de halal, de haram à la Mecque, si ce n'est quelques bases fondamentales. Mais c'est à Médine que va descendre le gros de la législation. Et est-ce qu'à la Mecque, les compagnons ne faisaient rien? Est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, n'avait pas une prêche? Si, bien sûr. Sur quoi est-ce qu'elle était fondée de manière majoritaire, prioritaire? Sur l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur ces notions-là qui, si jamais elles sont absentes de l'individu, ça ne sert à rien qu'il prie. Ou qu'il prie ou ne prie pas, c'est pareil. Qu'il jeûne ou qu'il ne jeûne pas, c'est pareil. Qu'il se comporte bien avec ses parents ou pas, c'est pareil. Peut-être que dans ce bas monde, il y aura un impact. Les parents auront une vie plus tranquille. C'est certain qu'ils préfèrent avoir un enfant qui se comporte bien avec eux. Mais yawm al-qiyamah, toutes ces bonnes actions ne serviront à rien et seront annulées si la aqidah est pervertie et notamment que le tawhid est annulé. Pour ça qu'il faut prendre très au sérieux ce domaine-là et se l'enseigner mutuellement. Hein, ça entre dans watawasaw bil haqq, hein, s'entraider mutuellement dans la vérité, que de s'enseigner mutuellement ces choses-là, et notamment les piliers de la foi. Donc aujourd'hui, on va développer, bi'iznillah azza wa jal, le pilier qui est la foi en la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce pilier-là, comme tous les sujets de la aqidah, il faut le pénétrer avec la mentalité arabe des gens de la Mecque. Qu'est-ce que je veux dire par là? Parmi les nombreuses raisons pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala a choisi les Arabes de Quraysh pour recevoir le message du prophète alayhi salatu wassalam, c'est que c'était des gens qui avaient une approche intellectuelle du monde qui les entoure, qui leur permettait d'être aptes à obtenir, à recevoir le message d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète alayhi salatu wassalam. C'était des gens qui, malgré le shirkiyat, etc. qu'ils avaient, ils avaient une certaine fitra par rapport à l'approche de certaines notions. Et notamment la notion du qadar. Le qadar était quelque chose qui était déjà présent au temps d'El Jahiliya. Dans la période pré-islamique, les gens avaient la foi à la prédestinée de manière globale comme on va la détailler. Ils avaient certaines failles, mais d'une manière générale, ils croyaient au qadar, ce qu'on appelle communément « nubdarij al-maktoub », même si ce mot il est entre guillemets un peu faux. Al-maktoub, et notamment la compréhension qu'on en a, comme on va le voir. Et quand on dit al-qadar, c'est ce qu'on appelle nous bidderij al-maktoub. Quand on dit ra-maktoub, c'est maktoub, c'est ça, c'est cette notion de qadar. Donc les Arabes de la péninsule arabique, les gens de Quraysh notamment, ils avaient encore une certaine fitra et une certaine approche des notions et de la vie que n'avaient pas les gens de Rome ou les Perses. Ils n'étaient pas philosophes par rapport au monde qui les entoure, ne cherchaient pas le pourquoi du comment, mais c'était des gens qui étaient assez simplistes dans leur approche du monde qui les entoure. Et la aqidah doit être approchée avec cette mentalité. Celui qui va approcher la aqidah en donnant une lieutenance, un pouvoir total au cerveau, il va arriver à des moments, à des points d'interrogation auxquels il ne trouvera pas de réponse. Car quel est le nom de notre religion? Al-Islam. La soumission. Par le corps seulement? Non, aussi par la raison. Comme parfois tu ne comprends pas des choses que tu pratiques toute la journée. Pourquoi t'on fait 4 rak'at au asr et va-t-on faire 3 à salat al-maghrib? Personne ne peut lever la main et donner la réponse. On n'a pas de réponse à cette question-là. Pourquoi est-ce qu'on lève la voix dans certaines rak'at et on la baisse dans d'autres? Il y a des sagesses que certains savants évoquent. Mais on ne peut pas dire c'est pour cette raison-là qu'on fait 2 rak'at le matin et qu'on en fait 4 à salat al-dhuhr. On n'a pas de véritable raison, c'est ce qu'on appelle quelque chose de ta'abboudi. C'est comme ça, sami'na wa ata'na. La aqidah dans ses grands fondements, elle est très simple. Dans ses fondements principaux, c'est quelque chose de simple. Mais l'islam, tout comme c'est la soumission du corps, c'est aussi la soumission de la raison. C'est la soumission de la raison. Pour ça qu'il faut entrer dans ces sujets-là avec beaucoup de fitra. Et de nombreux savants, donc en parlant du qadar de manière plus spécifique, disaient « Annahu sirrun min asrarillah » C'est un secret parmi les secrets d'Allah. Celui qui veut rentrer en détail dedans, il perdra la raison, il deviendra fou. Parce que c'est en lien avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Est-ce que toi tu englobes par ta science Allah, subhanahu wa ta'ala? Non. Pour ça que des gens se sont égarés quand ils ont voulu comprendre les qualités d'Allah avec leur tête. Ils lisent dans le Coran, « Bal yadahu mabsutatan » Ses deux mains sont ouvertes. Yunfiqu kayfa yasha. Il dépense comme il veut. Et quand ils rentrent avec leur raison, ils disent ce n'est pas possible qu'Allah ait des mains, puisque les humains ont des mains. Et Allah ne ressemble pas à ces créatures. Donc ils vont annuler ce verset, ou bien l'interpréter, alors que des gens meilleurs qu'eux, qui étaient les sahaba radiyallahu anhum, quand ils ont entendu bel yadahu mabsutatan, personne n'a levé le doigt et a dit ya Rasulallah. Mais comment ça se fait que dans le Coran il y a écrit que Allah a des mains et nous aussi nous avons des mains? Il y a contradiction. Est-ce qu'on ressemble à Allah? Est-ce qu'Allah nous ressemble? Non, ils avaient une fitra. Ils avaient une certaine fitra qui faisait qu'ils ne philosophaient pas sur ces points-là. Le qadar de même, et de manière encore plus prioritaire, c'est un point qu'il faut aborder de manière assez simple, inshallah, et toujours en restant un serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le musulman, il tourne avec les textes ou tourne ces derniers. Si le texte, le hadith authentique dit « va à droite », le musulman, il va à droite. Et si le hadith dit « va à gauche », tu pars avec lui à gauche. Et les premiers prédécesseurs n'aimaient pas que quelqu'un donne la suprématie à sa raison sur le texte. Ça fait partie des usul de al-sunnah. Ça fait partie des fondements des musulmans, des gens de la sunnah. Notamment nous qui vivons dans cette ambiance occidentale où la raison a raison sur tout, même sur les textes. Une fois, Abu Huraira radiallahu anhu a rapporté un hadith, il était en présence de Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Abu Huraira, il a dit, « Sami'tu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, tawadda'u mimma massatin nar. » Il a dit, « J'ai entendu le prophète alayhi salatu wa sallam dire, faites les ablutions de ce qui a été touché par le feu. » Et dans le début de l'islam, effectivement, c'était mis en application ça. C'est-à-dire, quand tu mangeais de la viande qui avait été cuite par le feu, tu devais faire les ablutions. Quand tu mangeais une nourriture cuite par le feu, tu devais faire les ablutions. Abdullah ibn Abbas, il a entendu ça, et il a eu une réflexion. Il lui a dit, vois-tu, si jamais je faisais l'eau d'eau, je faisais les ablutions avec une eau chauffée sur le feu, est-ce que cette eau d'eau-là, il est auto-annulée? Il est annulé par lui-même. C'est-à-dire, cette eau d'eau que je vais faire avec cette eau chauffée à l'eau, parce que tu nous dis que ce qui est chauffé par le feu annule les ablutions et qu'il faut refaire ces ablutions. Donc si je fais l'eau d'eau avec une eau chauffée sur le feu, est-ce que cette ablution-là est annulée ou pas? Et ça, c'est pas quand il y a le hadith, c'est « Sami'na wa ta'na ». On n'entre pas avec ce type de raisonnement. Qu'est-ce qu'il a dit à Abu Huraira? Il a dit « Ya Bunay, idha haddathuka an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, fala tadrib lil amthal ». Il a dit « Oh fiston, quand je te rapporte un hadith, ne me rapporte pas des paraboles comme ça. En gros, ne philosophe pas sur si jamais l'eau elle est chauffée ou etc. Et c'est ça le ubudiyya, la servitude réelle. C'est de comprendre qu'on est un petit atome dans cet univers et comment est-ce que l'on va comprendre tout ce qui se passe autour de nous. Donc nous arrivons au qadar bi-idhnillahi azzawajal. Al-qadar, donc nous on va traduire par la prédestinée, donc c'est un pilier parmi les piliers de la foi. Man kafara bihi. Celui qui mécroit au qadar, qui dit que ça n'existe pas, hein, qui n'y croit pas, jumlatan wa tafsila, qui n'y croit pas de manière globale et détaillée, qui l'annule complètement, il annule son islam. Tout comme celui qui ne croit pas à Allah, ou bien qui ne croit pas aux anges. Man kafara bi Jibril a kafar, man kafara bi Mika'il a kafar, man kafara bi jami' al malaika kafar, man kafara bi Zabur kafar, man kafara bi l'Injil kafar, man kafara bi Ayyub kafar, man kafara bi Moussa kafar. Ces piliers-là, les six piliers, celui qui mécroit au premier pilier, l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, bon, il y a consensus qu'il n'est pas musulman, qu'il est mécréant. De même, celui qui mécroit aux anges, Il dit les anges, ça n'existe pas. Je crois à Allah, je crois au Coran, je crois à tout l'islam. Mais les anges, non, ça n'existe pas. Il est musulman ? Il n'est pas musulman. Il a annulé un pilier, son islam s'effondre. Même s'il ne croit pas à un seul ange cité dans le Coran. Il dit je crois à tous les anges, mais Jibril, celui-là, non. Je ne crois pas en lui. De même, car en réalité, il dément Allah subhanahu wa ta'ala et le Coran. De même, celui qui ne croit pas à tous les prophètes, ou bien qui ne croit pas à certains prophètes. Il dit Moussa, non, ce n'était pas un prophète. Tous, je les accepte, mais Moussa, ce n'en était pas un. Ou bien Ayyub, ou bien Yusuf, alayhi salam. Celui-là, il dément le Coran. Et de même, donc, pour Al-Qadar. Celui qui dit ça n'existe pas, la prédestinée. كَذَلِكَ هَذَا إِنْ تَقَضَ إِمَانُ. Sa foi est annulée. Donc, c'est un pilier qu'il faut prendre au sérieux, Inch'Allah, et qu'on va essayer de détailler, bi'iznillah, avec le peu de temps qui nous est octroyé, Inch'Allah. Al-Qadar chez les gens, donc de Ahl Sunnah, chez les gens de la Sunnah, le Qadar, il est composé de quatre étapes. Al-Qadar, la prédestinée, est composé de quatre étapes. Al-Ilmu, la science. Al-Kitabatu, l'écriture. Al-Mashi'atu, la volonté divine. Wal-Khalqu, la création. Je répète les quatre étapes qu'on va détailler. La première, c'est Al-Ilm, la science. On va dire quel type de science, qu'est-ce que l'on veut dire par la science. Ensuite, Al-Kitabah, l'écriture. On va détailler qu'est-ce que l'écriture. Al-Mashi'ah, la volonté d'Allah, la volonté divine. Et Al-Khalq, la création. Et dans ces points-là, des gens ont pris des mauvais chemins, ils se sont égarés, mais nous, on ne va pas s'attarder sur eux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est apprendre ce qui est la vérité, Inch'Allah, et ce avec quoi est venu le prophète, alayhi salatu wassalam. Qu'est-ce qu'on veut dire par al-ilm ? Quand on dit al-qadar, quelque chose est écrit, quelque chose est prédestiné, hada maktoub, hada maktoub. Quelqu'un, il est tombé par terre, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. On m'a volé mon argent, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al. Telle chose était prédestinée et Allah a fait ce qu'il voulut, a fait ce qu'il a voulu. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce qu'on veut dire par Al-Qadar d'une manière générale? On a dit ces quatre étapes. La première, c'est Ilmullah, la science d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Azali, la science d'Allah éternelle. De toute chose et de tout ce qui n'a pas été de manière globale et détaillée. Tout ce qui se passe dans cet univers. Tout ce qui se passe dans les cieux, tout ce qui se passe dans la terre, tout ce qui se passe dans le monde visible, dans le monde invisible, tout ce qui s'est passé dans les époques qui nous ont précédés, ce qui se passe maintenant, qui s'est passé aujourd'hui, qui se passera dans le futur, et tout ce qui n'a pas encore été, toutes ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala les connaît. Allah subhanahu wa ta'ala les connaît et les englobe de sa science infinie, azali. Sa science azali, ça c'est l'infini dans le passé. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a toujours tout su, a toujours tout connu, subhanahu wa ta'ala. Avant même que l'événement ait lieu, Allah subhanahu wa ta'ala connaissait cette chose-là. Allah dit, أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Ne sais-tu pas qu'Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et sur terre? Tout ce qui se passe, Allah le sait. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ. Et Allah est omniscient, il sait tout. Allah dit, Allahu la ilaha illa hu, alimul ghaybi wa shahada, huwa ar-rahmanur rahim. Allah, pas de divinité si ce n'est lui. Alimul ghayb, connaisseur de l'invisible, wa shahada, et du visible, huwa ar-rahman, c'est le tout miséricordieux, ar-rahim, le très miséricordieux. Ou bien ar-rahman, le très miséricordieux, ar-rahim, le tout miséricordieux. Ces versets-là nous montrent qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Et notamment le verset « Wallahu bi kulli shay'in alim » Allah est connaisseur de tout. Ça, c'est « min alfadhil umum » Ça fait partie des expressions qui englobent tout. A-t-on le droit de sortir une unité comme ça, sans preuve? Est-ce que j'ai le droit de dire cette chose-là, Allah ne la connaissait pas? Non, elle entre dans ce verset « Wallahu bi kulli shay'in alim » Donc le passé entre dans ce verset-là, Wallahu bi kulli shay'in alim? Oui ou non? Oui. Le présent entre dans ce verset, Wallahu bi kulli shay'in alim? Le futur entre dans ce verset-là, Wallahu bi kulli shay'in alim? Na'am. Allah a toujours tout su. A toujours tout connu. Dans le global et le détaillé. Il a su qu'il y avait qu'il allait y avoir une première guerre mondiale entre les différents pays qui ont participé à celle-ci. Et il a su le nombre de victimes allemandes, de victimes françaises, etc., de chaque pays. Quel soldat est tombé à tel moment. Et il a su que des années plus tard, il y en aurait une deuxième. Et il a connu la date du début, de la fin, le nombre de soldats morts, le nombre de balles tirées. Il a tout connu dans le global et le détaillé. Subhanahu wa ta'ala. Concernant tous les événements qui ont lieu. Donc ça c'est le premier point, et ça c'est un asl, c'est un fondement. Allahu ya'lamu kulla shay, ilmuhu sabiqu, al-azali, bi kulli ka'inin, wa ma lam yakun, jumlatan wa tafsila. Allah a toujours tout su de ce qui a lieu, de ce qui n'a même pas eu lieu, et de que ce qui n'a pas eu lieu, s'il devait avoir lieu, comment il serait, de manière globale et détaillée à la lumière des versets que l'on a vus. Après cette première étape de la science, Allah subhanahu wa ta'ala donc, c'est tout. Donc ça c'est une qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'ilm. Et le point qui est important, c'est que ce ilm, il est azali. Il n'a pas de début. Il n'y a pas un début à un instant T, Allah a su que telle chose allait avoir lieu. Il a toujours su, tout le temps, dans l'infini du passé, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, cette science-là, des événements qui vont avoir lieu, tout ce qui se passe aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrit. Al-kitabatu. Allah l'a écrit. Fil-lawhil mahfoud. Dans la table gardée. Aussi on appelle ça al-imamul mubin. C'est un nom aussi de la table gardée. Allah subhanahu wa ta'ala a écrit cela. Il a créé une plume et il a dit à cette plume-là, écrit. Awwalu ma khalaqahu Allahu al-qalam. Dans le hadith. Authentique, la première chose qu'Allah a créée, c'est la plume. فَقَالَ لَهُ أُكْتُبْ. Il lui a dit, écris. قَالَ مَا أَكْتُبْ. Il lui a dit, qu'est-ce que je dois écrire? قَالَ أُكْتُبْ مِمَّا هُوَ كَائِنْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Il lui a dit, écris de ce qu'il y a maintenant jusqu'au jour dernier. Et la plume a écrit. Elle a tout écrit, tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. Et tout ce qui se passera, ça a été écrit. أَلَمْ تَعَلَمْ. Allah dit, أَلَمْ تَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ. Ne sais-tu pas que Allah sait ce qu'il y a dans le ciel et la terre? Ceci se trouve dans un livre. Allah dit dans Sourate Yassin, وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. Et toute chose, nous l'avons donc dénombrée, nous l'avons déterminée, فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. C'est la table gardée dans un imam, un guide, un livre évident. Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ. Et c'est lui qui possède les clés de l'invisible. Seul lui, subhanahu wa ta'ala, les connaît. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Et il sait ce qu'il y a sur terre et dans la mer. Ça aussi, c'est des preuves pour la première étape, la science. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Et il n'y a pas une feuille qui tombe sans qu'il la connaisse. Il sait quelle feuille va tomber, de quel arbre, de quelle branche, à quel moment elle va se détacher, sa trajectoire et où est-ce qu'elle va tomber, à quelle date de manière précise. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Et il n'y a pas donc quelque chose non plus qui tombe dans les ténèbres de la nuit, ni quelque chose de dur ou bien de mou, humide, sans que ce soit dans un livre évident, Al-Lawh al-Mahfoud. Donc cette science d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah l'a écrit dans les tables gardées. Les deux étapes sont comprises? Naam, c'est compris. Le prophète alayhi salatu wa salam dit dans un hadith rapporté par Muslim, كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. Allah a écrit la prédestinée de toutes les créatures avant la création des cieux et de la terre, 50,000 ans avant la création des cieux et de la terre, et son trône était sur l'eau. Donc tout ce qui se passe est écrit. Sans aucune exception. Je lève le bras droit, c'était écrit. Je cligne de l'œil, c'était écrit. Un meurtre a lieu, ça a été écrit. Une sadaqa a lieu, ça a été écrit. Une guerre se fait, c'était écrit. Quelqu'un trébuche du trottoir, tombe, c'est écrit. Le nombre de gouttes de pluie qui tombent, c'est écrit. Le nombre de flocons de neige, c'est écrit. Le nombre de gens qui vont se marier cette année, c'est écrit. Qui vont divorcer, c'est aussi écrit. Tout est écrit. Tout ce qui se passe dans l'univers est écrit fil lawhil mahfoud, sans aucune exception. Sans aucune exception. Ces deux étapes, elles sont passées et ne pourront jamais changer. Donc tout est écrit et Allah sait tout. Troisième étape, mashi'atullah, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala veut donc que quelque chose ait lieu, donc quelque chose qu'il a su, qu'il sait, oui ou non? Oui, il sait tout. C'est son univers, ça. C'est lui le roi, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a rien qui a lieu ici sans qu'il le sache. Rien ne peut avoir lieu dans son royaume, son univers, à son insu, subhanahu wa ta'ala. Et est-ce que aussi quelque chose peut avoir lieu qu'il n'a pas écrit? Hein? Est-ce que ça, quelqu'un peut aller à l'encontre de ce qu'il y a dans Allah al-Mahfoud? Non. Donc lorsqu'il veut quelque chose, subhanahu wa ta'ala, donc ça c'est ce qu'on appelle al-mashi'ah, la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux volontés. Ça il faut l'enregistrer pour bien comprendre certaines choubouhettes, certaines ambiguïtés que des philosophes ou des littéraires ou autres veulent faire pénétrer chez les musulmans pour nous faire croire qu'on est des fatalistes. Ça c'est le mfhoum khati' dial maktoub. On va comprendre pourquoi. Allah, il a combien de volontés? Iradatan, deux. Une volonté universelle. Une volonté universelle qui est en lien avec la prédestinée. Al-iradatu al-kawniyah al-qadariyah. Sa volonté universelle. Cette volonté-là, obligatoirement, elle a lieu. Quand Allah veut quelque chose universellement, obligatoirement, cette chose-là a lieu. Il n'est pas possible d'aller à l'encontre de la volonté universelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah veut qu'une personne meure, si tout l'univers se réunit pour donner la vie à cette personne, ils ne pourront pas. Que dit le prophète alayhi salatu wa salam, Abdullah ibn Abbas, qui est encore un jeune homme? Il dit, وَلَوِ اجْتَمَعُوا, s'ils se réunissaient tous, عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ, pour te faire un bien. لَنْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ, il ne pourrait de faire de bien pour toi qu'une chose qu'Allah a écrit pour toi. Donc si Allah a écrit qu'un bien n'allait pas atteindre une personne et que tout le monde se lève et s'entraide mutuellement pour apporter ce bien à cette personne, pourront-ils? Non. L'univers appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. لَا يَكُنُوا إِلَّا مَا يُرِيدُ هُوَ, n'a lieu que ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala, lui, de manière universelle. Et le prophète continue et dit à Abdullah ibn Abbas, وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ, et s'ils se réunissaient pour te faire un mal, لَنْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ, il ne pourrait te faire de mal que ce que Allah a écrit contre toi. رُفِعَتِ الْأَقْلَامِ, les plumes sont levées, وَجَفَّتِ الصُّحُفِ, et les parchemins sont secs, c'est terminé, on ne peut plus changer ça. Donc si Allah veut quelque chose universellement, ceci aura lieu obligatoirement. Mais il a une autre volonté, c'est la volonté al-irada al-shar'iyya, la volonté législative. Ça c'est ce que Allah a ordonné et interdit de manière, dans le sens adoratoire, dans le sens de la religion. Est-ce que Allah veut que toute l'humanité jeûne le mois de Ramadan? C'est que pour les Arabes, c'est pour toute la planète. Est-ce qu'il veut que toute l'humanité prie? Oui. Est-ce qu'il veut que tous les enfants se comportent bien avec leurs parents? Oui. Est-ce qu'il veut que tout le monde prenne soin du pauvre, de l'orphelin, de la veuve? Oui. Mais est-ce que ça a lieu, ça, dans le monde? Non. Ça, c'est sa volonté shar'iyya. Tu peux aller à l'encontre de cette volonté-là. Allah te dit jeûne, toi tu dis non, je ne veux pas jeûner. Allah te dit prie, tu dis non, je ne veux pas prier. Mais Allah te dit meurs de manière universelle. Tu peux dire non, je ne veux pas mourir. Tu mourras. Tu mourras que tu le veuilles ou pas. قُلْ لَيْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Dis, il ne nous arrive que ce que Allah a écrit pour nous. Donc ce que Allah a écrit pour toi, Ça, c'est sa volonté universelle, ça aura lieu. Sa volonté législative, il te dit fais, si tu veux, tu ne fais pas. Et il te dit ne fais pas, et si tu veux, tu fais. Allah, il a interdit le vol, donc il ne veut pas de manière législative que les gens volent. Mais certains volent. Il ne veut pas qu'il y ait le meurtre de manière injuste, et certains font des meurtres. Etc. Il n'aime pas le mensonge, et il ne veut pas qu'il y ait mensonge, et certains mentent. Donc il faut bien comprendre que ce qui a lieu dans ce monde-là, les événements qui ont lieu, est-ce que c'est le résultat de sa volonté universelle directement ou de sa volonté législative? Hein? Sa volonté universelle. C'est sa volonté universelle. Si cette chose a lieu, c'est parce que Allah l'a voulu. Maintenant, il faut comprendre que la volonté, al-irada shar'iyya d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est toujours en lien avec son amour. Allah, il a ordonné le jeûne. Allah aime le jeûne? Est-ce qu'Allah, il aime as-siyam? Allah, il a ordonné sadaqa. Allah, yuhibbu sadaqa? Est-ce qu'Allah aime sadaqa? Bon. Allah a interdit le meurtre. Allah aime le meurtre ou déteste le meurtre? Déteste le meurtre. Allah a interdit le mensonge. Il aime ou déteste le mensonge? Donc, ce qu'il a ordonné législativement, c'est ce qu'il aime. Et ce qu'il a interdit législativement, c'est ce qu'il déteste. Donc, la irada shar'iyya, sa volonté législative, elle est toujours en lien avec son amour. En revanche, sa irada kauniyya, sa volonté universelle, ça, ce n'est pas en lien obligatoirement avec son amour. Et il se peut qu'il y ait des choses qui aient lieu. On a fait salat al-asr. On a fait salat al-asr. Allah l'a voulu universellement ou pas? Ben oui, ça a eu lieu. Donc Allah a voulu que... C'était écrit dans l'Ohl Mahfoud. Tous ceux qui étaient là, ils étaient marqués là-haut. Il y avait écrit, un tel, il va faire l'asr. Lui, il va rater une raka'a. Lui, deux, lui va arriver à la fin. L'imam lui a fait salam. Chacun, comment Allah il lui avait écrit sa situation. Et Allah aussi, législativement, il voulait cela. Il voulait cela, subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des choses qu'Allah n'aime pas et qui ont lieu dans ce monde-là. Ce qu'il y a de le vol, le mensonge, le meurtre, ça a lieu ou pas? Ça a lieu. Et pourtant, Allah ne l'aime pas. Donc, la question classique de certains mécréants. Vous dites que votre Dieu, il existe. Hein? Et vous dites, faut pas voler et tout ça. Mais pourtant, il y a ça dans le monde, là. Hein? Alors, il n'existe pas. Conclusion, ton Dieu, il n'existe pas. Parce que s'il existait, normalement, il n'y aurait pas tout ça. Il devrait contrôler son monde. Pourquoi il y a des meurtres? Pourquoi il y a des orphelins? Pourquoi il y a un fou, il rentre avec un fusil, il tue 35 gamins dans une maternelle? La réponse est simple. La réponse, elle est très simple. La irada, la volonté universelle, elle n'est pas en lien avec ce que Allah aime obligatoirement. Allah met dans ce monde-là, il fait des situations que lui n'aime pas, subhanahu wa ta'ala, comme le meurtre, tout ce que l'on peut voir de mauvais. Mais il y a une hikmah. Les actes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils sont jamais vides de hikmah. Ils sont jamais vides de hikmah, de sagesse. Tout ce qui a lieu dans ce monde-là, eh bien, il y a une sagesse dans cet événement-là. Et c'est ce qu'on appelle al-hikmatu al-baligha. Al-hikmatu al-baligha. La sagesse suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous, on ne comprend pas parfois. Comme on va voir, comme Moussa n'a pas compris certaines notions. Avec al-Khadir, comme on va voir, on ne comprend pas. On dit, mais comment ça se fait qu'il se passe ça? Mais dans le grand dessein EIN d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas dessein IN, dans le grand dessein d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une sagesse. Que peut-être toi, avec ton cerveau humain restreint, tu ne comprendras pas. S'il y a une mort, que les gens ont fait un accident, le couple est parti et que 4 enfants sont restés en bas âge, il y a une sagesse. Et dans cet événement-là, il y a une hikmah et une rahmah. Jamais les événements d'Allah subhanahu wa ta'ala sont vides de hikmah, sagesse et rahmah. Parce que parmi ces noms, subhanahu wa ta'ala, ar-Rahman, ar-Rahman. Et ar-Rahman ala wazni fa'lan. Ar-Rahman, c'est selon la construction fa'lan. Al-Ghadban. Vous connaissez al-Ghadban? C'est plus que Ghadib. Ghadib, c'est l'en colère. Mais Ghadban, plein de colère. Sakran, ça veut dire quoi? Il est sous. Ar-Rahman, c'est celui qui est plein de Rahman, subhanahu wa ta'ala. Et dans tous ces actes, il y a une miséricorde. Et aussi Al-Hakim parmi ses noms. Parmi ses noms, c'est le sage. Donc il a la qualité de Rahmah, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une qualité qui ne le quitte jamais. Et aussi il a la qualité de Hikmah. C'est une qualité qui jamais ne le quitte. Donc quand il y a un événement dans son royaume, c'est un événement dans lequel il y a une rahmah et dans lequel il y a une hikmah que parfois nous allons comprendre et parfois nous n'allons pas comprendre. D'où cet apprentissage de Moussa alayhi salam auprès d'Al Khadir. Lorsque quelqu'un de Ben Israël a dit à Moussa alayhi salam, Man a'lamun nas, qui est le plus savant? Et Moussa a dit, c'est moi, c'est normal, c'est Kalimullah, il parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit, tu vas aller au confluent des deux mers et tu vas rencontrer quelqu'un, hein, qui est plus savant que toi et tu vas prendre une science auprès de lui. Et Moussa est allé avec Yusha alayhi salam, qui sera lui aussi prophète. Et ils sont partis, vous connaissez l'histoire, ils avaient un poisson. Et le signe c'était qu'arrivé au confluent des deux mers, ce poisson allait reprendre la vie et s'enfuir. Et ils avaient grillé ce poisson-là, arrivé au confluent des deux mers. Moussa alayhi salam dormait, Yusha était encore réveillé, le poisson a repris vie et est parti dans la mer. Ils ont dépassé le confluent. Lorsque Moussa s'est réveillé, alayhi salam, il a dit à Yusha, où est-ce que se trouve notre repas? Il a dit, j'ai oublié, c'est Satan qui m'a... Ma ansanihi illa shaytan wa an adhkurah, j'ai oublié de me rappeler de ça, c'est Shaytan qui m'a fait oublier. Et ils sont repartis sur leurs pas. Et ils ont rencontré donc cette personne-là, Khadir, qui est un prophète selon la vie le plus authentique des savants, wallahu a'lam. Moussa alayhi salam, étant un prophète, a fait preuve de modestie et a demandé à Khadir est-ce qu'il pouvait prendre de sa science. Khadir lui a dit, innaka lan tastati'a ma'i sabra, tu ne pourras pas patienter avec moi. Qala satajiduni insha'Allah sabira wa la a'si laka amra. Tu me trouveras insha'Allah. Inch'Allah, c'est comme ça qu'elle étudie en science, pas sûr de lui. Inch'Allah, sabira, tu me trouveras patient. Wala a'si laka amara. Et je ne te désobéirai pas. Qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an shay'in hatta uhditha laka minhu dhikra. Il a dit, si tu me suis, ne me pose aucune question sur ce qui va se passer jusqu'à ce que moi je te renseigne à ce sujet-là. Fantalaqa, ils sont partis tous les deux. حتى إذا ركب في السفينة خرقها. Lorsqu'ils sont arrivés dans un bateau, ils sont arrivés auprès d'un bateau, et Al-Khadir a fait un trou dans la coque, dans le bateau. قال أخرقتها لتغرق أهلها. Est-ce que tu as fait un trou afin de faire couler les gens de ce bateau? لقد جئت شيئا نمرا. Tu as fait quelque chose de vraiment cruel. Pourquoi Moussa dit ça? Moussa a l'ilm al-shari'a. Il le raisonne par rapport au halal haram. Ça c'est un bien, il est haram dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala d'injustement de faire un trou comme ça, de faire un trou dans un bateau. قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا. Ne t'ai-je pas dit que tu ne pourrais pas patienter avec moi? Il lui a dit, donc ne me prends pas défaut par rapport à ce que j'ai oublié, excuse-moi, ne rends pas difficile ma situation. Puis ils sont partis. حَتَّى إِذَا لَقِيَ غُلَامًا فَقَتَلَ. Ils ont rencontré un jeune homme et Al-Khadir l'a tué. Ibn Abbas, il dit dans Sahih al-Bukhari, c'est Ibn Abbas, c'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il lui a arraché la tête. Allahu a'lam. Il lui a dit, est-ce que tu as tué une âme comme ça, pure, zakiyatan, sans droit? Ce que tu as fait, c'est quelque chose de vraiment cruel. Après, il lui a dit, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Est-ce que je t'ai pas dit que tu ne pourrais pas patienter avec moi? قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Il a dit, si jamais je te pose encore une question, encore une seule question, cette fois c'est bon, je ne suis plus dans ta compagnie, tu auras une excuse réelle. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. Alors ils sont arrivés à un village, et ils ont demandé donc la nourriture et le gîte à ces gens-là, tout le monde les a refoulés, leur a dit non. Puis ils sont arrivés au bord de la ville. Ils ont trouvé un mur qui était pas loin de tomber, de s'effondrer. Qu'est-ce qu'a fait Khadir? Il a reconstruit ce mur-là. Qu'est-ce qu'a dit Moussa par rapport à ces gens qui nous ont refoulés? قَالَ لَوْ شِيْتَ لَتَّخَدْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. Il a dit, si tu voulais, tu aurais pu au moins prendre un salaire par rapport à ça. قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ. Ceci, maintenant c'est fini, c'est la séparation entre moi et toi. Après il a dit, je vais t'informer par rapport à ce que, au sujet de quoi tu n'as pas patienté. Puis il lui a donné l'explication. أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا. Il lui a dit, quant au bateau, il a dit, j'ai voulu observer. فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِبَ. J'ai voulu, moi, l'amocher. Il n'a pas dit Allah. Il a dit, j'ai voulu l'amocher. Car il y avait un roi qui partait en guerre et qui prenait les bateaux des gens. Donc j'ai voulu l'amocher afin que lorsque les soldats du roi viennent, voient ce bateau, ils disent, bon, il n'est pas en service, c'est pas la peine. Donc il y avait une hikmah. Il y avait une hikmah dans cet acte-là. Après, il a dit, وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ صَالِحَيْنِ فَخَشِينَ أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. Quant au jeune homme, il avait deux parents qui étaient pieux. Et on a eu peur que donc en grandissant, ce soit quelqu'un qui dépasse les limites et la mécréance et qu'il fasse du mal à ses parents. فَأَرَادَ رَبُّكَ. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Ton Seigneur a voulu. Et il a voulu donc leur donner en échange un enfant beaucoup mieux, beaucoup plus pur et beaucoup plus miséricordieux. Concernant le défaut, il a attribué le à lui-même. فَأَرَادَ أَنْ أَعِيبَهَا. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu cet acte-là. Et ça, c'est l'adab. L'adab des gens de la sunna. Et ils attribuent à Allah subhanahu wa ta'ala le bien. Ce qui est reconnu comme bien en termes d'événements et d'actes. Et le mal, ils se l'attribuent à lui-même. C'est pour ça que quand tu veux jurer par Allah, tu peux dire wa khaliq as-sama wa rabbi as-sama. Mais tu peux pas dire wa rabbi al-khinzir, mathalan. Est-ce que tu peux dire ça? Hada min al-adab. Mais hada haq ou batal? Hal Allah, rabbu hadhihi al-makhluqat? Naam, Allah c'est leur Seigneur, c'est lui qui les a créés, c'est lui qui les abreuve. Lakin laysa min al-adab. Ça ne fait pas partie de la discipline avec Allah, de la politesse avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, wa amma al-jidaru fa kana li ghulamayn yatimayn fi al-madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma. Quant au mur, il appartenait à deux orphelins qui habitaient dans la ville et il y avait en dessous un trésor. Et ton Seigneur, Kadhalik, ton Seigneur a voulu donc, ayablura ashuddahuma, qu'ils atteignent leur âge de maturité et qu'ils sortent ce trésor-là. Car si jamais le mur s'effondrait et que le trésor sortait avant qu'ils arrivent à un âge de maturité, ils seraient partis pour rien. Et leur père était quelqu'un de pieux et il leur avait mis ce trésor-là. Leur père, wa kana abuhuma salihan. Leur père était quelqu'un de pieux, il a voulu donc leur laisser cela pour que lorsqu'ils grandissent, ils puissent subvenir à leurs besoins. Moussa alayhi salam, à chaque fois n'avait pas patienté. Pourquoi? Parce qu'il raisonnait sur le dhahir. Il raisonnait sur l'apparence de ces actes-là. Qui sont des actes, en apparence, qui sont mauvais. Et qu'est-ce qu'a dit Khadir? Parce qu'on ne peut pas ouvrir la porte, alors nous, de faire le mal et de dire qu'il y a une hikmah. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي. Je ne l'ai pas fait de moi-même. Je ne l'ai pas fait de moi-même. وَهَذَا دَلِيلْ عَلَى نُبُوَّةِ الْخَدِيرِ. Ça, c'est une preuve de la prophétie. Que la ville plus authentique, c'est que Khadir est un prophète. Il a fait cela par wahi. Il a fait cela par révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, toi, tu ne vois pas certaines sagesses dans des choses qui arrivent. Et celui qui voit, qui du moins sait que Allah subhanahu wa ta'ala est toujours qualifié de sagesse. Et que tous les événements qui ont lieu dans cet univers-là sont une preuve de sa sagesse. Jamais il ne va se plaindre de ce qui est arrivé. Il peut être attristé. Il peut être en colère par rapport à l'événement, mais pas par rapport à celui qui l'a fait. Certaines personnes perdent un enfant. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu n'as rien fait. Tu n'as pas besoin de faire pour que tu perdes un enfant. Allah subhanahu wa ta'ala t'a enlevé cet enfant-là, c'est une sagesse de sa part. Limada Allahu a'lam. Pourquoi tu ne poses pas la question? La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Il n'est pas questionné sur ce qu'il fait, mais eux sont questionnés. Le serviteur ne dit pas à Allah pourquoi. La ya'taridu 'ala Allah. Jamais il ne contredit et dit à son Seigneur, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Mais هذا من الكفر ان تعترض على الله. C'est de la mécréance que de dire à Allah, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça, et se plaindre. Mais cela n'empêche pas d'être triste. Cela n'empêche pas de pleurer. Cela n'empêche pas non plus de se mettre en colère lorsqu'une mauvaise chose arrive. Le prophète alayhi salatu wa salam a perdu son fils Ibrahim. Qu'est-ce qu'il a dit? ان العين لا تدمع. L'œil coule de larmes. وَإِنَّ الْقَلْبَ لَيَخْشَعَ. Et le cœur, il est épris d'émotions. وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِمْ لَمَحْزُونُونَ. Et nous sommes, ô Ibrahim, par ta séparation triste. Donc est-ce que cet événement l'a rendu triste? Naam. Mais est-ce qu'il s'est mis en colère contre l'acte divin? C'est pour ça qu'il y a une différence entre Al-Qada, qui est l'acte d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Al-Maqdi, qui est le décrété. Le décret, il vient d'Allah. Narda bihi. On agrée l'acte divin à 100%. Mais ce qui arrive en tant qu'événement, c'est, tu vas être triste. Et de même, le prophète, alayhi salatu wa salam, se mettait en colère quand un haram était fait. Il est rentré chez lui. Aïcha radiallahu anha avait des rideaux dans lesquels il y avait des êtres vivants, animaux ou autres. Il a dit, ya Aïcha, inna ashaddin nasi adhaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. Et il s'énervait jusqu'à ce que son visage a rougi. Il a dit, oh Aïcha, les gens qui auront le châtiment le plus dur yawm al-qiyamah, ce sont les représentateurs. Donc le musulman se met en colère et attristé. Il vit, il est en interaction avec les événements qui l'entourent, mais jamais il ne se met en colère contre son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Pour ça que certains récits sont rapportés par certains soufis exagérateurs et des savants les réfutent. Comme par exemple Al-Fudayl ibn Iyad. Il est rapporté que lorsqu'on lui a annoncé que son fils était mort, il a éclaté de rire jusqu'à ce qu'on ait vu ses molaires en signe d'agrément de la prédestinée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est faux. On lui dit ton fils est mort, il a rigolé. Hein, par agrément du qadar. Ce n'est pas possible. Le prophète alayhi salatu wa sallam a pleuré. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable même par la raison humaine. Ce n'est pas parce que tu agrées ce que Allah t'a écrit que tu vas rire de la mort d'un proche. Ou que tu vas être heureux de la mort d'un proche. Non, abad. Donc on a vu trois étapes. La science, l'écriture, ensuite la volonté d'Allah. Tout ce qui se passe, Allah l'a voulu, universellement ou législativement. Ou bien on n'a rien compris là depuis le début, c'est trop compliqué. Universellement, il n'a pas voulu législativement. Il n'a pas voulu législativement. Et celui donc qui va à l'encontre de la volonté législative d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien il est dans le péché. Il est dans le péché. Pour ça que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala universelle, on dit elle est en lien avec sa rububiyya, sa seigneurie. Pour ça que les événements qui ont lieu, tu vas surtout être en interaction avec eux de par ton cœur. De par ton cœur. La mort d'un proche, la maladie d'un enfant, la perte d'un parent, la perte de ton travail. Allah l'a voulu, kauniyan qadariyan. Allah l'a voulu de manière universelle. Tarda. Et ça va être en lien avec le sabr. Et le sabr, il y a plusieurs degrés. Il y a d'abord le sabr, la patience. Ça, c'est entre guillemets 10 sur 20. Je me plains pas. Ni par la langue, ni par les membres. Après, il y a au-dessus, il y a ar-rida, j'agrée. Après, il y a ash-shukr, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala. La pire des musibas qu'ont eu les sahaba radiallahu anhum, c'est la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque le prophète alayhi salatu wa sallam est mort, les sahaba qui ont la meilleure aqidah, qui ont la meilleure croyance et la meilleure compréhension de la prédestinée, tous ont dit alhamdulillah, qaddarallahu wa ma sha'a fa'al. C'est le choix d'Allah terminé. Non, ils étaient attristés. Certains, ils ont même perdu la tête au point de ne même plus rendre le salam à ceux qui leur passaient le salam. Qu'a dit Omar ? Omar, de par cet événement, il monte sur le minbar. Et il dit que le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam est parti. Il va revenir et couper la tête des hypocrites. Il est parti comme est parti Moussa chez son seigneur. Et Abu Bakr est venu. Il lui a dit, Ijlis, assieds-toi. Et ensuite, il a dit sa célèbre phrase que celui qui adorait Mohammed, qu'il sache que Mohammed est mort, et que celui qui adorait Allah, qu'il sache que Allah est vivant et ne meurt jamais. Et il a lu le verset, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ. Ça c'est important. الشَّاكِرِينَ. Pourquoi le choukr il est venu dans ce verset-là ? La moussiba elle est descendue, c'est une catastrophe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, mais pourtant Allah, il dit qu'Allah va récompenser les remerciateurs. C'est ceux qui continuent d'agir. Parce que le remerciement, c'est plus que le hamd. Le hamd, c'est avec la langue, le cœur, mais pas avec les membres. Le choukr, c'est aussi avec le corps. Le prophète est mort, continuez. Transmettez, priez, jeûnez, ushkurullah. Comme Allah dit, i'malu ala Daoud. Shukra, œuvrez aux familles de Daoud par remerciement. Donc on remercie Allah et on agrée tout ce qui se passe. Mais concernant ce qu'il nous a ordonné législativement, C'est avec le cœur et aussi avec le corps là qu'il faut agir. Allah t'a dit de prier, il faut prier. Allah t'a dit de jeûner, il faut jeûner. Allah t'a dit de faire des sadaqas, il faut faire des sadaqas. De bien te comporter avec tes parents, tu le fais bien. Et la ouboudiya, le sens même de notre création. C'est là que l'enjeu se trouve. C'est par rapport à sa irada shar'iyya. Allah t'a ordonné des choses législativement, il faut obéir. Et on a dit que l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il se trouve dans sa volonté universelle ou bien sa volonté législative. L'amour d'Allah, législative. Donc toi, tu es un abid, tu es un adorateur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Je n'ai créé les génies et les hommes seulement pour qu'ils m'adorent. La ibada. C'est quoi la définition de l'ibada? Comme a dit Cheikh Ibn Taymiyyah, ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal-af'ali adh-dhahirati wal-batinah. C'est un nom qui englobe tout ce que Allah aime et agrée comme parole et acte intérieur et extérieur. Toi, c'est ça que tu cherches. Tu cherches les domaines qu'Allah aime. Qu'est-ce que Allah aime? Allah, il t'a fait le cadeau, le livre est descendu, il te dit j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Tout ce qu'il t'ordonne, il aime. Et cherche ce que Allah déteste pour ne pas le faire. Et de même, dans son livre, il te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça. Donc il déteste ça. Et son prophète, alayhi salatu wassalam, dans de nombreuses paroles et dans ses actes, t'a montré ce que Allah aime et ce que Allah n'aime pas. Donc tu n'as plus qu'à appliquer. Et celui qui applique, là-bas il sera récompensé, inshallah, par un paradis large comme les cieux et la terre. Quatrième étape, al-khalq, Allah crée. Donc Allah sait tout, il l'a écrit, ensuite il la veut. Terminé ? Non, après il l'a créé. Il crée cette chose-là. Il va créer. Donc concernant les événements qui ont lieu, c'est clair. Mais c'est où qu'après il y a le point d'interrogation ? C'est par rapport à nos actes, nous. Comment Allah il a créé le meurtre du meurtrier ? Comment Allah a créé le vol du voleur ? Le vol qui a lieu dans l'univers d'Allah, Allah l'a créé ou pas ? Bon, c'est simple, hein. la réponse est très simple. À chaque fois qu'on te dit, est-ce que Allah a créé trois petits points ? La réponse est oui. La réponse n'existe pas. La réponse non n'existe pas pour est-ce que Allah a créé quelque chose ? Allah subhanahu wa ta'ala, il a tout créé. Wallahu khaliqu kulli shay. Wallahu khaliqu kulli shay'in. Allah est le créateur de toute chose. Un meurtre a lieu. Allah aime ça ? Il l'a voulu législativement ? Oui. Non. Non. Législativement ? Non. Universellement ? Oui. Il a créé ce meurtre ? Oui. Il a fait ce meurtre ? Non. Non. Bon, on arrive à un point qui est important. Tout ce qui a lieu, Allah l'a créé. Par rapport à nos actes, nous, ça c'est un point d'aqidah qui est important. Normalement, on n'a pas trop à le développer, nous on est débutants. C'est khalqu af'al al-ibad. Est-ce que Allah est le créateur ou pas de nos actes ? Il y a des sectes qui se sont égarées qui ont dit non. Il y en a qui disent non. C'est-à-dire, de manière indépendante, on agit à 100%. Non, Allah subhanahu wa ta'ala a créé nos actes. Comment ? Quand moi je lève le bras droit, Allah il a créé cet acte ou pas ? Oui. Est-ce que c'est lui qui a levé le bras ? Non, c'est moi. Sinon, il n'y aurait pas de jugement là-haut. Parce qu'on va arriver à des points qui sont importants. Inch'Allah qu'on ne manque pas de temps. Allah il a donné à tout humain. Et ceux qui n'ont pas cela, ils n'ont pas de taklif, ils ne sont pas responsables. Il a donné une qudra et une mashi'a, une volonté. Lorsque je lève mon bras droit, il s'est levé tout seul ? Non. Là, c'est moi qui l'a levé ? Ou c'est quelqu'un qui est venu qui a fait ça ? Si quelqu'un vient, se lève, prend ma manche et fait ça, c'est moi qui ai levé le bras droit ? Non. Ou c'est lui ? C'est lui. C'est lui, c'est pas moi. C'est lui, il a pris mon vêtement, il a levé mon bras droit. Est-ce que j'ai voulu que mon bras se lève ? Non, il s'est levé sans que je le veuille. Et est-ce que j'ai eu besoin d'une force pour lever ce bras droit ? Non. Je n'ai pas eu besoin de force. Mais quand je le lève comme ça tout seul, on dit que Allah a créé cet acte parce qu'il m'a donné deux choses. Une volonté, je veux là, ouvrir mes doigts. C'est qui les ouvre ? C'est Tariq ou quelqu'un d'autre ? C'est moi là. C'est écrit dans l'Ohl Mahfoud, j'allais ouvrir. Hein, après. Et j'ai donc par ma volonté et j'ai la force aussi. Si je suis paralysé par mon bras droit, mais je veux le soulever, je vais le soulever ? Non. Donc là-bas, c'est pas écrit. Et Allah n'a pas créé cela, il ne le veut pas. Il ne le veut pas universellement, parce que ça n'a pas lieu. Et si j'ai la force, mais je ne veux pas, je n'ai pas envie de lever mon bras. Laissez-moi tranquille, je ne veux pas le lever. Je ne le lève pas. Donc mes actes, c'est moi qui les fais. Mais Allah les a créés car c'est lui qui m'a donné cette force et c'est lui qui m'a donné cette volonté, subhanahu wa ta'ala. Donc on arrive à un autre point qui est important, c'est al-ihtijaj ou bil-qadar. Est-ce qu'on a le droit de se cacher derrière? Je ne vais pas dire le qadar, bil-ani al-maktoub. Est-ce qu'on a le droit? Hein? On a le droit? Je fais un meurtre, maktoub. Laisse-moi tranquille, hein, maktoub, c'est dans là-haut, dans le lawh al-mahfouz, je ne peux rien y faire moi. Ce n'est pas de ma faute. C'est possible ça? Non. Allah, il a parlé de ces gens-là dans le Coran. Sayaqulu alladhina ashraku. Law sha'a Allah ma ashrakna wala aba'una wala harramna min shay. Et les associateurs diront si Allah avait voulu, on n'aurait pas fait de shirk et ni nos pères et on n'aurait pas interdit donc des choses qui sont licites, on n'aurait rien rendu illicite. Allah il a répondu كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. De même, c'est ainsi qu'ont menti les gens qui les ont précédés jusqu'à ce que notre mal les a touchés. Qu'est-ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset suivant? قل هل عندكم من علم تخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. Dit, est-ce que vous avez une science? Donc sortez-la nous. Cette science comme quoi vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala ne voulait pas que vous fassiez ces choses-là. Est-ce que vous avez lu Allah al-Mahfoud pour pouvoir dire ça? Est-ce que vous avez une science? قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ. Dit, c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'appartient l'argument absolu. L'ihtijaj ou bil-qadar, pourquoi est-ce qu'il est impossible? Pourquoi est-ce que quelqu'un, après avoir fait le péché, il ne peut pas dire, ah moi j'y suis pour rien, c'est pas de ma faute, maktoub. Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas? Pour une raison qui est très simple. Personne n'a la réponse? Peut-être qu'Allah lui a donné le qadar, c'est ça? C'est parce qu'il ne connaît pas le qadar. Il ne le connaît pas. S'il avait lu dans l'Lawh al-Mahfoud que telle chose est écrite, là c'est clair, il sait son avenir. Donc là, il n'y a plus rien à faire. Mais là, il ne sait pas. La personne ne sait pas si elle va aller au paradis. Elle ne sait pas si elle va aller en enfer. Elle ne sait pas si elle va mentir demain. Donc est-ce qu'il peut voler et dire c'était maktoub, qaddar Allah wa ma sha'a fa'al? Non. Et il est rapporté dans un récit, wallahu a'lam s'il est authentique, qu'un voleur a été rapporté à Omar. On a amené à Omar un voleur pour lui couper la main droite. Il dit, ya amir al-mu'minin, ataqta'u yadi wa qad saraqtu bi qadar Allah, ô commandant des croyants, est-ce que tu vas me couper la main alors que j'ai volé par prédestiné? Qala saraqta bi qadar Allah wa naqta'u yadaka bi qadar Allah. Il a dit, tu as volé par prédestiné, on va te couper la main par prédestiné. Donc on ne peut pas se cacher derrière la prédestinée. Et hadil kalima, ce qu'ils ont dit, kalimatu haqqin urida biha batil. Batil, c'est vrai. Law sha'a Allahumma ashrakna. Si Allah avait voulu, on n'aurait pas fait de shirk. C'est vrai. Allah a dit wa law sha'a Allahumma ashraku wa ma ja'alnaka 'alayhim hafiza wa ma anta 'alayhim biwakil. Si Allah avait voulu, il n'aurait pas fait d'associationnisme. Il n'aurait pas fait de shirk. Donc on arrive encore à un autre point. Est-ce que on est libre d'agir ou pas? Est-ce qu'on est dans le jabr? Est-ce qu'on est dans le fatalisme total? Comme on dit certaines sectes. Al-Jabriya. Certains ont dit ça. Est-ce qu'on est là-dedans? C'est-à-dire, maintenant, c'est écrit. Je vais aller au paradis ou en enfer. Ça a rien que j'agisse. Pourquoi je me casse la tête? C'est écrit. Est-ce que on entre dans cette logique-là? Non. Parce que tu ne sais pas si ton devenir est le paradis ou l'enfer. Le prophète, alayhi salatu wassalam, à son époque, il a dit, ma min nafsin illa wa yu'lamu makanuha min al-jannati aw an-nar. Il n'y a pas une âme sans qu'on connaisse sa place au paradis ou en enfer. Sahaba, qalu ya Rasulallah, fa fima al-amal, afala nattakil, ya Rasulallah, pourquoi agir alors? On n'a qu'à s'en remettre donc au maktoub, au qadar. Qala i'malu, il a dit, agissez. فَإِنَّ لِكُلِّ مُيَسَّرٍ أَوْ فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. Chacun se verra faciliter le chemin pour lequel il a été créé. Puis il a lu le verset فَأَمَّا مَنِ اتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Quant à celui qui croira et qui rendra véridique qui صَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى, on lui facilitera donc le chemin du bien. وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى, quant à celui qui va faire preuve d'avarice et se passer, hein, qui démentira donc le message, on va lui faciliter le chemin donc vers l'enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala sait est-ce qu'on va au paradis ou en enfer. Oui. Na'am, il le sait. Et est-ce que nous, à cause de ça, alors on n'agit plus et on rentre dans une logique fataliste? Non, abadan. Abadan. Pour ça qu'il y a plusieurs taqdir. J'essaie de finir avec ça. Le taqdir d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a lieu donc à quatre. Il y a quatre catégories. Là, on a vu le qadar, c'est quatre niveaux. Qui les répète? Qui peut les répéter? C'est simple, entre nous, on se trompe, c'est pas la fin du monde. La science. Éternel d'Allah, du global et du détaillé, de tout ce qu'il y a, il n'y a pas. Deuxième, l'écriture. Troisième, volonté quoi? Divine, mais je veux maintenant un adjectif en plus, parce qu'il y en a deux. Universel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième, la prédestinée. La création, il a créé. Al-Khalq. Concernant mes actes à moi, Allah les a créés. Oui. Comment est-ce qu'on traduit ça? Il a créé mes actes. Il m'a donné deux choses. La volonté et la force. Le voleur, il a voulu voler. C'est pour ça que la sharia ne prend pas à défaut celui qui a été involontaire. La tu'akhidna innasina ou akhta'na. Celui qui a fait involontaire, c'est pas comme le volontaire. Le voleur, il a voulu voler et il avait la force de voler. Allah lui a donné ces deux choses-là. Donc c'est de son choix qu'il a volé. Mais il y avait le choix divin, universel, pas législatif, que lui vole. Car ce vol-là, il entre dans une hikmah absolue, divine, que nous, on ne comprend pas. Qu'on ne comprend pas. Même si c'est du mal, c'est pour ça qu'on dit « sharrihi wa khairihi ». Un tu'mina bil qadari khairihi wa sharri. Que tu crois la prédestinée bonne ou mauvaise, ça, c'est à notre échelle. C'est à l'échelle du maqdi, de ce qui a lieu. Mais à l'échelle de l'acte divin, est-ce que Allah, subhanahu wa ta'ala, fait du mal? Est-ce que ces actes peuvent être qualifiés de mauvais? Abadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans du'a wa sharru laysa ilayk. Le mal ne t'est pas attribué. Mais comment? Il y a des meurtres, il y a des tremblements de terre, des innocents qui meurent, des orphelins, des gens qui se font voler, violer, etc. Et tu me dis que les actes divins sont tous du bien. Na'am. Ce mal qui est à ton échelle, toi, du décret, est mauvais pour l'acte divin. C'est un bien plein de rahma et plein de sagesse. Qu'on comprend ou qu'on ne comprend pas. Le taqdir d'Allah subhanahu wa ta'ala, on finit. Il y a taqdir ul-aam, la grande prédestinée générale, c'est celle qu'on a vue. Écriture, science, écriture, volonté et création. Après, il y a taqdir ul-umuri, la prédestinée de la vie. Allah va écrire au quatrième mois de chaque individu, la prédestinée de sa vie. Et ça, c'est le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. يُجْمَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ 40 يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحُ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ فَوَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ عَبْدُ اللَّهِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ il a dit on a entendu le véridique rendu véridique. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق حدثنا الصادق المصدوق. Le véridique rendu véridique par Allah a dit que la création de l'un d'entre vous, donc les humains, elle se fait 40 jours dans le ventre de la mère sous la forme d'une goutte de sperme, puis 40 jours sous la forme d'une adhérence, puis 40 jours sous la forme d'un morceau de chair mâchée. Donc 3 fois 40, 4 mois. Au bout du quatrième mois, un ange est envoyé qui va insuffler l'âme et il lui ordonner d'écrire quatre choses. Ça, c'est le taqdir umuri. C'est la prédestinée donc de la vie. Quatre choses. Donc, sa durée de vie, son risque, sa prédestinée, sa subsistance, tout ce qu'il va manger et boire, les véhicules qu'il va avoir, les vêtements, est-ce qu'il va se marier, pas se marier, ses diplômes, tout ce qu'il va obtenir dans sa vie. Donc, sa durée de vie, sa subsistance, ses actes, et aussi, est-ce qu'il va être parmi ceux qui réussissent ou ceux qui échouent? Donc, est-ce qu'il va au paradis ou en enfer? Ça, c'est le taqdir umuri. Après, il y a le taqdir sanawi, qui est dit dans surat al-Dukhan. Allah subhanahu wa ta'ala, il parle de Laylat al-Qadr, il dit « Fiha yufraqu kullu amrin hakim ». Beaucoup de salafs, rahimahumullah, les sahaba et autres, ont dit que dans cette nuit-là, Allah écrit qu'il va mourir, qu'il va naître, qu'il va faire le hajj, qu'il va faire l'umra, qu'il va faire tauba, qu'il va kfur, qui va apostasier, tout ce qui va se passer à l'échelle de l'année, ça se fait quand? Laylat al-Qadr. Laylat al-Qadr. Quatrième taqdir, al-taqdir al-yawmi. Le taqdir, c'est-à-dire la prédestinée journalière. Yas'aluhu man fis samawati wal ard. le questionne ceux qui sont dans les cieux et la terre. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Tous les jours, Allah est dans une affaire différente. Et de même, il donne à boire à celui-là, manger à celui-là, il fait vivre celui-là, mourir celui-là, il élève celui-là, il rabaisse celui-là, il donne le pouvoir à celui-là, il enlève le pouvoir de celui-là. Et ça, c'est un taqdir yaoumi. C'est un taqdir yaoumi. Maintenant, on arrive à quelque chose qui est important. C'est les musulmans. Comment est-ce qu'ils se comportent par rapport au qadar? Les fruits du qadar. Parmi les plus grands fruits du qadar, c'est que le musulman, il utilise les causes. Et ne connaissant pas, justement, le devenir de la situation, c'est quelqu'un, justement, qui se bat pour arriver à ce qu'il veut. Donc tu ne sais pas si tu vas au paradis, toi. Et tu ne sais pas si tu vas en enfer. Mais Allah subhanahu wa ta'ala le sait. Et il y en a certains mécréants, ce qu'ils n'acceptent pas, c'est comment ça Allah il sait, moi je veux au paradis ou en enfer. Moi je veux pas ça, c'est-à-dire je suis créé pour le paradis ou l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala sait où tu vas aller. Il t'a donné une force et il t'a donné aussi une volonté. Tu ne sais pas où tu vas aller, œuvre alors. Œuvre, fais le bien, crains Allah, prie, fais ce qu'il t'a ordonné en tant que pilier, obligation, délaisse le haram, délaisse les grands péchés. Yawm al-qiyama, bi-idhnillah azza wa jal, na'am, si tu fais partie des gens du bien, tu iras au paradis. Et si tu fais le mal et tu vis dans le kufr, la mécréance, l'innovation, etc., eh ben tu seras parmi les gens de l'enfer. Donc il ne faut pas comprendre que c'est quelque chose qui est écrit dans le sens où même où tu vas à l'encontre de ça, eh ben c'est pour toi c'est cuit. Donc tu vas être pieux toute ta vie, tu vas faire la prière, tu vas faire ton hajj, tu vas être quelqu'un qui aime Allah, qui craint Allah. Yawm al-qiyama, on regarde la liste, pas de chance, t'es écrit dans ceux qui devaient aller en enfer, va brûler. Et l'autre, il est dans le kufr toute sa vie, et il fait les péchés, grand comme petit. Yawm al-qiyama, bah, t'as de la chance, toi. T'étais dans la liste de ceux qui ont au paradis. Allez, va te faire plaisir éternellement. Non. C'est pas comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala connaît le devenir de chacun, mais le devenir de chacun sera fonction de leurs actes. Ça, c'est le premier fruit. On œuvre. Donc, le musulman, il cherche du travail. Le travail, pas venir à la maison. Il y en a certains aussi. Par rapport au mariage, il pense que la femme va venir taper à la porte. Non, akhi. Il faut que tu fasses les causes, comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a ordonné. Les causes pour trouver une femme. De même pour avoir des enfants. C'est maktoub, tu vas avoir des enfants ou pas? Est-ce que c'est dans le qadar? Et est-ce que je peux dire, alors comme c'est écrit dans l'Ahl Mahfoud, donc je me marie ou je me marie pas, j'ai des rapports ou j'ai pas de rapports, c'est pareil ça. J'aurai les enfants. Non. Comme ils rapportent une nukta hakad. Ils disent qu'un élève est venu voir son shir, certains disent comme. Et disait, ya shir, fais-moi dua pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne des enfants. Il disait, d'accord, il faisait dua dans Qiyam al-Lil, dans le sujoud et tout. Le shir, un an plus tard, son élève est venu, il a dit, ya shir, j'ai toujours pas d'enfants, subhanallah. J'ai pas d'enfants. Il a dit, Allah akbar. Il lui a dit, t'es marié? Il lui a dit, non. Il a dit, va déjà. Il dit, va te marier, hein, et après je te ferai deux inshallah. Donc la compréhension du qadar, elle est importante. Ça, c'est le premier fruit. Deuxième fruit, donc premier fruit, les musulmans, ils agissent. Parce que certains, ils veulent faire croire qu'on est une umma du fatalisme. Napoléon, il est entré avec ça en Égypte. Il faut le savoir, ça. Napoléon, il a conquis l'Égypte, il leur a dit, j'ai'na bi qadarillah. Ah oui, ah d'accord, marhababik. Il a dit, on est venu par prédestiné d'Allah, ils l'ont mis le tapis rouge. Parce que s'il y a une mauvaise compréhension du qadar, on rentre dans la fatalité. Il y a des gens comme ça. Il a quelque chose, il a le cancer, mais c'est Allah relb. Oui, Allah relb, qadar la mehtarik, fais les sebeb pour qu'Allah te guérisse. Il y a tib, il y a la médecine, etc. Donc, premier fruit, on agit pour, inshallah, bi-iznillah, améliorer notre situation, pour que la communauté soit élevée, comme ça a été le cas des sahaba radhiyallahu anhum. Deuxième chose, c'est que le musulman et la musulmane sont heureux. Le prophète alayhi salatu wa salam dit dans le hadith, c'est Suhaib qui dit que le prophète alayhi salatu wa salam a dit ajaban li amri al-mu'min. Qu'est-ce que la situation du croyant est étonnante. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil-mu'min. Et ceci n'est le cas que du croyant. In asabathu sarra wa shakara fa kana khayran lahu. Si un bien lui arrive, il obtient quelque chose, alors il remercie et c'est encore un bien pour lui. Wa in asabathu darra, et si un mal lui arrive, sabara fa kana khayran lahu. Il patiente, si un mal lui arrive, il patiente et c'est un bien pour lui. Écoutez bien, et ceci n'est le cas que du croyant. Allah dit, Surat al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Il n'y a pas quelque chose qui a lieu dans la terre ou en vous-même sans que ce soit dans un livre, donc écrit, avant qu'on ne le fasse apparaître. Ceci est facile pour Allah. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala ramène l'âme ta'lil, likayla. La raison. Pourquoi est-ce que il y a cette prédestinée parmi les raisons de cela? Likayla ta'asaw 'ala ma fatakum wa la tafrahu. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Afin que vous ne soyez pas attristés et désespérés de ce qui vous a raté. T'as raté ton diplôme, t'as demandé une sœur en mariage, elle t'a refoulé, t'as dit non, t'as passé ton permis, je ne sais combien de fois, t'arrives pas à l'avoir, t'arrives pas, etc. Tu cherches du boulot, tu n'arrives pas. لكي لا تأسوا على ما فاتكم. Le musulman jamais ne se désespère car il sait que son Rabb, on avait dit deux choses importantes, tous ses actes sont qualifiés de Rahma et de Hikmah, de miséricorde. Tu fais l'école, tu ne trouves pas de travail, c'est une Rahma, c'est une miséricorde et il y a une sagesse. Tu cherches à te marier, tu ne trouves pas, c'est une Rahma pour toi et il y a une sagesse. Etc, etc. Tout ce qui t'arrive. Et que vous ne fassiez pas preuve d'orgueil et d'illusion de ce que vous obtenez. Car ce que tu as obtenu, si tu es un petit peu plus intelligent que la moyenne, tu as des bons diplômes universitaires, ou qu'alhamdoulilah, t'as une femme et Allah t'a donné des enfants et t'as des frères à côté, ils sont mariés depuis des années, ils n'arrivent toujours pas à avoir d'enfants. Attention que tu crois que ça vient de toi. Et ça, c'est aïnou tawhid, c'est ça l'unicité d'Allah. Abdullah ibn Abbas, il disait, al-qadaru nidhamu tawhid. Al-qadaru nidhamu tawhid. Le qadar, c'est l'organisation du tawhid. Afin que tu ne désespères pas, mais aussi que tu ne t'enorgueillisses pas. C'est moi le plus fort, c'est moi le meilleur, etc. Ce qui est le cas des mécréants qui n'ont pas cette croyance-là. Lorsqu'ils obtiennent quelque chose, ils ne supportent pas, tu dis « Remercie Allah, remercie le bon Dieu, il t'a donné. » Ils disent « Non, mais c'est moi. C'est moi, c'est mon intelligence, c'est ma force, etc. » En revanche, quand il leur arrive un mal, c'est quoi? Ils cherchent l'accusé. Il faut accuser quelqu'un pour pouvoir lui coller le problème. Mais le musulman, non. « Yansibu kulla shay' ila Allah. » Le prophète, alayhi salatu wassalam, après avoir reconquis la Mecque, hein, il entre après des années de bataille, combien de sahaba sont morts, fi sabilillah, combien d'argent dépensé pour pouvoir établir le tawhid dans la péninsule arabique. Il entre à la Mecque avec la tête baissée comme ça sur sa monture. Qu'est-ce qu'il dit? Après toutes ces causes qu'il a dépensées et faites, alhamdulillah, la louange est à Allah. Alladhi nasara abda, qui a donné victoire à son serviteur. Wa anjaza wa'da, et qui a concrétisé sa promesse. وهزم الأحزاب, regarde l'unicité du prophète. وهزم الأحزاب وحده, et qui a terrassé les coalisés tout seul. Combien de batailles, combien de Hamza il est mort, combien de Allahu Akbar. وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله الذي أعطاني الباك وحده. الحمد لله الذي زوجني وحده. الحمد لله الذي ما شاء الله أنجح تجارتي وحده. Tout revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est encore un des fruits du qadar. Et le dar c'est long, l'ilmu indallah, on ne peut pas aller plus loin. Je vois que j'ai déjà abusé, il ne reste qu'une heure, le temps d'un frère se mélange ainsi que les sœurs. Wallahu a'lam. Donc je conclue en disant que ce point, il faut, inshallah, l'étudier, ainsi que tous les points de l'aqida. Et l'aqida, c'est notre fondement, c'est le cœur même de notre religion. Et les gens qui veulent du mal à notre religion attaquent par l'aqida. Ils savent que c'est ce point-là, que si jamais il est effrité, détruit, tout le reste, en réalité, est mis sur quelque chose qui est fragile et qui ne tient pas debout. Donc il faut essayer, bismillah, remplir nos mosquées comme ça, de cercles, essayer de s'enseigner les uns les autres ces choses-là. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fik.